Chapitre 17e. Ce que c'est qu'une grève. Marguerite sortit triste et la tête pesante, mais au bout de la rue, oui, l'air d'une rue de Milton avait ranimé son jeune sang avant qu'elle fût arrivée au premier tournant. Son pas devint plus léger, ses lèvres plus colorées. Elle commença à remarquer ce qui se passait autour d'elle, au lieu d'avoir ses pensées tournées exclusivement en dedans. Elle vit dans les rues des flâneurs inaccoutumés, des hommes se promenant les mains dans les poches, des groupes de jeunes filles parlant très haut, paraissant très animés et affichant une complète indépendance de langage et de tenue. Des hommes de mauvaise mine, la minorité compromettante, se tenaient à l'entrée des cabarets, fumant et faisant des remarques sur ceux qui passaient près d'eux. Marguerite recula devant la perspective d'une longue marche à travers ces rues avant d'arriver au champ, où elle avait l'intention de se promener. Elle résolut d'aller, au lieu de cela, voir Bessie Higgins. Sans doute cela serait moins agréable qu'une promenade dans la campagne, mais peut-être serait-ce une meilleure action. Nicholas Higgins était assis près du feu, fumant sa pipe, lorsqu'elle entra. Bessie se balançait sur sa chaise de l'autre côté de la cheminée. Nicholas ôta sa pipe de sa bouche et, se levant, il poussa sa chaise vers Marguerite et s'appuya nonchalamment contre la cheminée, tandis qu'elle demandait à Bessie comment elle se portait. « Elle est un peu triste, » dit Nicholas, « mais sa santé est meilleure. Elle n'aime pas qu'on se mette en grève. Elle aime un peu trop la paix et le repos à tout prix. » « C'est la troisième coalition que je vois, » dit Bessie en soupirant, comme si c'était là une réponse et une explication plus que suffisante. « Eh bien, la troisième fois, ils payeront pour les deux autres. » « Vous verrez si nous ne ferons pas entendre raison au maître cette fois-ci, s'ils ne viendront pas nous supplier de rentrer au prix qu'il nous plaira. Voilà tout. Nous n'avons pas réussi les autres fois, mais aujourd'hui nous avons dressé nos plans habilement. « Pourquoi vous coalisez-vous ? » dit Marguerite. « Cela signifie cesser de travailler jusqu'à ce que vous obteniez le salaire que vous désirez, n'est-ce pas ? Il ne faut pas vous étonner de mon ignorance. Dans le pays d'où je viens, je n'ai jamais entendu parler de coalition. » « Je voudrais vivre dans ce pays-là, » dit Bessie, tristement. « Mais ce n'est pas à moi à m'affliger des coalitions. C'est la dernière que je verrai. Avant qu'elle soit terminée, je serai dans la grande cité, dans la céleste Jérusalem. » Bessie est si pleine de la vie future qu'elle ne peut songer à la vie présente. Mais moi, voyez-vous, je suis résolue à faire ici-bas du mieux que je peux. Je crois qu'un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans le buisson. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas de même au sujet de la coalition. » « Mais, » dit Marguerite, « si les ouvriers se coalisaient, comme vous dites, dans le pays d'où je viens, comme ce sont pour la plupart des laboureurs, il en résulterait que les champs ne seraient pas ensemencés, ni le foin rentré, ni la moisson faite. « Eh bien, » dit Nicholas, qui avait repris sa pipe et prononcé ce « eh bien » d'un ton d'interrogation, « eh bien alors, que deviendraient les fermiers ?»« Je suppose qu'ils seraient obligés de renoncer à leur ferme ou de donner des salaires raisonnables. » « Supposons qu'ils ne pussent pas ou ne voulussent pas élever les salaires. Ils ne pourraient pas tous renoncer à leur ferme en ce moment, quelque désir qu'ils en eussent d'ailleurs, mais ils n'auraient ni foin ni blé à vendre cette année-là. Et où prendraient-ils de l'argent pour payer les laboureurs l'année suivante ?» Nicholas continuait de fumer pendant quelque temps. « Je ne connais pas les manières d'agir des gens du Sud, » dit-il enfin. « J'ai entendu dire que ce sont des hommes sans cœur et sans courage. » Qui se laissent écraser, qui sont à moitié morts de faim, et trop accablés par la faim pour savoir lorsqu'on leur fait tort. Mais ici, ce n'est pas comme cela. Nous savons quand on nous fait tort, et nous avons trop de sang dans les veines pour le supporter. Nous quittons nos métiers et nous disons « Vous pouvez nous affamer, mais vous ne nous ferez pas de tort, nos maîtres. » Et que le diable soit d'eux, ils n'en viendront pas à bout cette fois-ci. « Je voudrais bien vivre dans le sud, » dit Bessie. « Il y a beaucoup à endurer, là aussi, » dit Marguerite. « Partout, il y a à souffrir. Les ouvriers ont un travail fatigant, et ils n'ont guère de nourriture pour réparer leurs forces. »« Oui, mais ils travaillent dehors, » dit Bessie. « Ils n'entendent pas ce bruit continuel des machines et ne respirent pas l'air étouffant de la fabrique. »« Oui, mais ils ont souvent enduré la pluie et le froid. Les jeunes supportent cela aisément, mais les vieux gagnent des rhumatismes et sont courbés et desséchés avec le temps. » Et cependant, il faut qu'ils continuent à travailler, ou qu'ils aillent mendier. Je croyais que vous aimiez tant les coutumes du Sud. Je les aime aussi, dit Marguerite, souriant de se trouver ainsi prise. Je veux seulement dire, Bessie, qu'il y a un bon et un mauvais côté à toute chose dans ce monde, et comme vous vous plaignez de ce qu'il y a de mal ici, il m'a paru juste de vous faire connaître le mauvais côté de la vie du Sud. Vous dites donc qu'ils ne se mettent jamais en grève là-bas ? Dit tout à coup Nicolas. Non, jamais, dit Marguerite. Je crois qu'ils ont trop de bon sens pour cela. Et moi je crois, répliqua Nicolas en secouant les cendres de sa pipe avec tant de violence qu'il la cassa, je crois que ce n'est pas parce qu'ils ont trop de bon sens, mais parce qu'ils n'ont pas assez de courage. Oh, père, dit Bessie, qu'avez-vous jamais gagné aux coalitions ? Souvenez-vous de la première, lorsque ma mère mourut. Combien avons-nous souffert de la faim, vous, tout le premier ? Et chaque semaine, cependant, il y en avait plusieurs qui rentraient aux anciennes conditions, jusqu'à ce que tous ceux qu'on pouvait occuper fussent rentrés. Il y en eut qui demeurèrent mendiants tout le reste de leur vie. Ah, cette coalition-là avait été mal combinée. Ceux qui s'étaient chargés de la diriger étaient des insensés ou des traîtres. Vous verrez, ce sera tout différent cette fois-ci. Mais dans tout cela, vous ne m'avez pas encore dit pourquoi vous vous mettez en grève, dit de nouveau Marguerite. Voyez-vous, il y a 5 ou 6 maîtres qui ont résolu de ne plus payer les mêmes salaires qu'ils payaient depuis 2 ans, et qui ne les empêchaient pas de réussir et de devenir riches. Et maintenant ils viennent nous dire qu'il faut que nous acceptions moins, et nous ne l'accepterons pas. Nous aimons mieux nous laisser mourir de faim que d'y consentir, et on verra qu'est-ce qui travaillera pour eux. Ils ont tué la poule aux œufs d'or, c'est moi qui vous le dis. Et ainsi, vous voulez mourir pour vous venger d'eux ? Non, j'espère que non. J'envisage seulement la possibilité de mourir à mon poste plutôt que de céder. On trouve cela beau et honorable chez un soldat. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour un pauvre ouvrier tisserand ? Mais un soldat, dit Marguerite, meurt pour son pays, pour la défense des autres. Nicolas se prit à rire amèrement. Vous n'êtes qu'une jeune fille, mais ne croyez-vous donc pas que je puisse faire vivre 3 personnes ? C'est-à-dire Bessie, Marie et moi, avec 16 shillings par semaine. Croyez-vous que ce soit pour moi que je me mette en grève cette fois-ci ? C'est tout aussi bien pour la cause des autres que le soldat, avec cette différence que la cause pour laquelle il meurt est bien souvent celle de quelqu'un qu'il n'a jamais vu, ou dont il n'a jamais entendu parler. Tandis que je défends la cause de John Boucher, qui demeure dans la maison à côté avec une femme malade, et 8 enfants dont aucun n'est d'âge à travailler. Et ce n'est pas seulement sa cause que je soutiens, mais c'est aussi celle de la justice. Pourquoi gagnerions-nous moins aujourd'hui qu'il y a 2 ans ? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Je suis trop ignorante de tout cela. Mais demandez-le à vos maîtres. Ils vous en donneront certainement la raison. Ils n'ont sans doute pas pris leur décision arbitrairement et sans motif. Vous parlez comme une étrangère, et voilà tout, dit Nicolas d'un air de mépris. Vous savez grand-chose de tout cela. Demandez aux maîtres. Ils nous répondraient de nous occuper de nos affaires, qu'ils s'occupent des leurs. Et nos affaires, c'est d'accepter le salaire qu'il leur convient de nous donner, et d'être reconnaissants. Et leurs affaires à eux, c'est de nous faire mourir de faim pour grossir leurs profits. Mais, dit Marguerite, résolue à ne pas céder, bien qu'elle vît qu'elle irritait le tisserand, l'état du commerce peut ne pas leur permettre de vous donner la même rémunération. L'état du commerce. C'est là une des balivernes que nous comptent les maîtres. C'est du taux des salaires que je parlais. Les maîtres gardent pour eux l'état du commerce, et quand cela leur convient, ils le mettent en avant comme un épouvantail propre à effrayer des enfants méchants. Je vais vous dire, c'est leur rôle à eux de nous écraser pour grossir leur fortune, et c'est le nôtre de résister et de combattre, non pas seulement pour nous seuls, mais pour ceux qui nous entourent, pour la justice et la droiture. Nous contribuons à leur profit. Nous devons y avoir part. Ce n'est pas que nous ayons autant besoin de leur cuivre cette fois-ci que les autres. Nous avons de l'argent en réserve, et nous sommes décidés à résister ou à succomber tous ensemble. Pas un de nous ne travaillera pour un salaire moindre que celui que l'Union déclare nous être dû. Ainsi donc, hurrah pour la coalition, et que Thornton, Shakeson, Humphrey et leurs pareils prennent garde à eux. Thornton ? Répéta Marguerite. Mr. Thornton de Marlborough Street ? Oui, Mr. Thornton du moulin de Marlborough, comme nous l'appelons. C'est un des maîtres contre lesquels vous luttez, alors ? Quelle sorte de maître est-ce ? Avez-vous jamais vu un bulldog ? Dressez un bulldog sur ses jambes de derrière. Mettez-lui un habit et des pantalons et vous aurez le portrait de John Thornton. » « Oh non !» dit Marguerite en riant. « Mr. Thornton n'est pas beau, il est vrai. Mais il ne ressemble pas à un bulldog avec son gros nez court et sa lèvre hargneuse. Non, pas physiquement, je vous l'accorde. Mais quand John Thornton a une fois une idée, il ne la lâche pas plus qu'un bulldog ne lâche sa proie. Il se laisserait plutôt mettre en pièces avec une fourche. Il y a du plaisir à lutter contre lui. Quant à Shakeson, je gagerai ma tête qu'un jour ou l'autre il cajolera les hommes et les fera rentrer avec de belles promesses qu'il ne tiendra pas. Une fois qu'ils sont nouveaux en son pouvoir, ils vous glissent dans la main, comme une anguille. Il ressemble à un chat, il est doux, poli, malin et féroce. On n'aura jamais une bonne et une honnête bataille avec lui comme avec Thornton. Thornton est dur comme un clou. C'est un gaillard obstiné, un vrai bulldog. Pauvre Bessie, dit Marguerite en se tournant vers la jeune fille, tout cela vous fait soupirer. Vous n'aimez pas à batailler comme votre père, n'est-ce pas ? Non, dit tristement Bessie, j'en suis lasse. J'aurais voulu entendre parler d'autre chose dans mes derniers jours que de ces querelles qui m'ont affligé toute ma vie, de ces éternelles discussions sur l'ouvrage, les salaires, les maîtres, les ouvriers. Ma pauvre fille, ce ne sont pas tes derniers jours, j'espère. Tu as déjà meilleure mine aujourd'hui, pour avoir eu un peu de mouvement et de changement, et puis je serai ici bien davantage. Ce sera plus gai pour toi. La fumée du tabac m'étouffe, dit Bessie, d'un ton chagrin. Alors je ne fumerai plus jamais dans la maison, dit Nicolas avec tristesse. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, ma fille ? Bessie garda le silence pendant quelques instants, puis elle dit si bas que Marguerite seule l'entendit. Il aura besoin pour se consoler de sa pipe et de sa bouteille, d'ici à ce que tout cela soit fini. Nicolas sortit évidemment pour achever sa pipe. Bessie s'écria douloureusement. « Ne suis-je pas folle, Miss Hale ? Là, je sais justement qu'il faut que je tâche de retenir mon père à la maison, pour l'éloigner des mauvais sujets qui sont toujours prêts à entraîner un homme à boire pendant la grève. Et voilà que je le querelle au sujet de sa pipe. Et maintenant il sortira toutes les fois qu'il aura besoin de fumer. Et Dieu sait ce qu'il en arrivera. J'aimerais mieux être étouffé par le tabac 100 fois. « Mais votre père boit donc ?» demanda Marguerite. « Non. » On ne peut pas dire qu'ils boivent pour cela, reprit Bessie du même ton agité et douloureux. Mais que voulez-vous ? Je suppose que c'est pour vous comme pour les autres, qu'il y a des jours où, en vous levant, vous sentez le besoin d'un peu de changement, de quelque chose qui vous secoue, pour ainsi dire. Je sais qu'il m'est arrivé d'acheter mon pain chez un autre boulanger, quelqu'un de ces jours-là, parce que j'étais lasse d'avoir toujours les mêmes choses devant les yeux, le même bruit dans les oreilles et le même goût dans la bouche, jour après jour, sans jamais l'arrêter. J'ai désiré souvent d'être homme pour voyager un peu, quand ce ne serait que pour aller demander de l'ouvrage dans un autre endroit. Et mon père, et en général, les hommes se fatiguent encore plus vite que nous de voir toujours la même chose et de travailler sans relâche. Et alors, que voulez-vous qu'ils fassent ? Sont-ils donc tant à blâmer s'ils entrent quelquefois au cabaret pour faire circuler leur sang plus vite et plus gaiement, et pour voir des choses qu'ils ne voient jamais que là ? Des tableaux, des glaces et autres objets de ce genre. Mon père n'a jamais été buveur, quoiqu'il ait pu lui arriver de temps en temps de boire un peu plus qu'il ne fallait. Mais voyez-vous, et le ton de la jeune fille devint triste et suppliant, dans les temps de coalition, il est naturel qu'un homme se dérange. Il commence toujours avec tant d'espoir. Puis, petit à petit, il s'irrite, il perd la tête, ils finissent par se lasser d'être irrités. Et il arrive souvent que, dans leur rage, ils font des choses qu'ils sont ensuite bien aises d'oublier. Que Dieu bénisse votre bonne figure compatissante, mais vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une grève. « Allons, Bessie, » dit Marguerite, « je suis trop ignorante de tout cela pour me permettre de dire que vous exagérez. Mais peut-être qu'étant malade, vous ne voyez que le côté fâcheux des choses, et qu'on peut les envisager d'une manière moins triste. Cela est bon à dire pour vous, qui avez toujours vécu dans de bons pays, et qui n'avez jamais connu le besoin, ni l'inquiétude, ni même la méchanceté, pour ce que j'en sais. Prenez garde de juger sur les apparences, Bessie, dit Marguerite en s'animant. Je m'en vais retourner près de ma mère, qui est bien malade, si malade, Bessie, qu'il n'y a que la mort qui puisse mettre un terme à ses souffrances. et cependant il faut que je parle gaiement à mon père, qui ne connaît pas son état, et à qui il ne faut l'apprendre que par degrés. La seule, l'unique personne qui pourrait sympathiser avec moi, m'aider, et dont la présence ferait plus de bien à ma mère que tous les remèdes, est accusée faussement, et courrait risque de la vie en venant voir sa mère mourante. Je ne dois dire cela qu'à vous seul, Bessie. Il ne faut pas le répéter, personne ne le sait à Milton, ni presque personne en Angleterre. N'ai-je pas ma part de chagrin et d'anxiété? Quoique je sois bien vêtu et que je ne manque pas de pain. Oh, Bessie, Dieu est juste. Il sait ce qu'il nous faut à chacun. Et il n'y a que lui qui connaisse l'amertume de nos âmes. Pardonnez-moi, dit humblement Bessie. Quelquefois, en réfléchissant à la vie que j'ai menée et au peu de plaisir que j'ai goûté, j'ai cru que j'étais de ceux qui sont prédestinés à mourir par la chute d'une étoile. Et le nom de l'étoile est absinthe, et la troisième partie des eaux devint de l'absinthe, et les hommes moururent pour avoir bu de ces eaux qui étaient devenues amères. On supporte mieux les souffrances et le chagrin lorsqu'on pense qu'ils ont été prophétisés pour nous longtemps auparavant. Il me semble alors que ma peine est nécessaire à l'accomplissement des prophéties. Sans cela, elle me paraîtrait inutile. Non, Bessie, vous savez que Dieu ne nous afflige pas inutilement. Ne vous occupez pas tant des prophéties. Lisez plutôt les parties de la Bible qui sont plus claires et plus intelligibles. Ce serait sans doute plus sage. Mais où trouverais-je de si magnifiques promesses? Où verrais-je des choses si différentes de celles de ce triste monde ailleurs que dans l'Apocalypse? Bien des fois, je me suis répété les versets du 7e chapitre pour le seul plaisir d'en entendre le son. C'est beau comme un orgue, et c'est aussi différent de ce que nous voyons tous les jours. Ce livre me donne plus de consolation à lui seul que toutes les autres parties de la Bible ensemble. Je viendrai vous lire quelques-uns de mes chapitres favoris. « Oh oui, venez !» dit avidement Bessie. « Mon père se trouvera peut-être là. Il est sourd à ma voix. Il dit que tout cela n'a rien de commun avec les choses d'aujourd'hui et que ce n'est pas là son affaire. « Où est votre sœur ?»« Elle est allée couper de la futaine. Je ne me soucie guère qu'elle y a là, mais il faut vivre de façon ou d'autre et l'union ne peut pas nous donner grand-chose. À présent, il faut que je m'en aille. Vous m'avez fait du bien, Bessie. Moi, je vous ai fait du bien. Oui. Je suis venu ici bien triste et tenté de croire qu'il n'y avait que moi au monde qui eût du chagrin. Et en pensant à tout ce que vous avez enduré pendant votre vie, je me sens plus de courage. Que Dieu vous bénisse. Je croyais qu'il n'y avait que les riches qui puissent faire du bien. Je vais devenir orgueilleuse si je pense que je puis vous être utile. Vous me le serez moins si vous y pensez. Vous ne ressemblez à personne que je connaisse. Je ne sais quelle idée me faire de vous. Ni moi de moi-même, bien souvent. Au revoir. Bessie demeura immobile, suivant des yeux Marguerite. Je voudrais bien savoir, se dit-elle, s'il y a beaucoup de gens comme elle dans le sud. Je ne sais comment cela se fait, mais elle est pour moi comme un souffle d'air venant de la campagne. Sa vue me rafraîchit. Qui aurait jamais cru que cette figure, brillante et calme comme celle des anges que je vois dans mes rêves, eut tant de chagrin? Je me demande comment elle pêche, car nous sommes tous pêcheurs. Je pense beaucoup de bien d'elle, peut-être, mais mon père aussi à ce que je vois, et même Marie, qui ne fait pas souvent attention à grand-chose.